Mardi 11 décembre, bonjour fidèle auditeur, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Les trois pêcheurs de la commune Oussoni enlevés samedi soir dans le lac Elguerou ont été libérés le soir de ce mardi. Une information confirmée par le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique. Grogne de certains résidents de la ville de Muyinga suite au non-raccordement en électricité pour les ménages ayant fait la demande. Dans cette édition, nous vous parlerons du chômage en province Gitega, mais également en cas d'un jeune économiste, aujourd'hui coiffeur au centre-ville de Bujumbura. Dans cette édition, vous aurez également la chronique santé sur la méningite avec le docteur Olivier Nijimbele, directeur du programme élargi de vaccination. La mise en onde de cette édition est assurée par Eli Kadogo. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons sécurité pour débuter ce journal. Libération ce lundi soir des trois pêcheurs burundais de la commune Oussoni enlevés dans la nuit de samedi à dimanche. Une information confirmée par le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique dans son tweet. Pierre Nkurikiye a également précisé que quatre Burundais ont été refoulés. Et pour rappel, les trois pêcheurs sont originaires de la colline Gatete de la commune Oussoni en province Kirundo. Ils ont été enlevés par la marine rwandaise dans le lac Rweru. Et encore d'un homme a été retrouvé le matin de ce mardi dans un puits à la colline Kibaya de la zone Masango en province de Chibitoke. Salvatore Ngendabang a été bien portant hier, dit sa famille, qui demande que des enquêtes soient faites pour identifier l'auteur. Et de son côté, le chef de zone Masango fait savoir que l'enquête est en cours. Il demande en outre à ses sujets de rester calme et d'éviter toute justice populaire. Parlons gouvernance à présent. Le ministère de la Bonne Gouvernance reconnaît que la corruption n'est pas encore combattue au Burundi comme souhaité par le gouvernement. Ceci est dit par Jean Bosco Naimer, assistant du ministre et porte-parole de son ministère, qui nie qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers en rapport avec la corruption. Il le dit après la journée de dimanche, qui était une journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. On l'écoute. La lutte contre la corruption n'est pas seulement une activité qui doit être menée au cours de cette semaine ou au cours de cette journée du 9 décembre, c'est une activité de tous les jours. Je ne dirais pas que nous avons pu éradiquer la corruption comme voulu par le gouvernement burundais, mais je dirais qu'il y a un pas important qui a été franchi dans ce domaine. Là, je citerai la création des différentes institutions chargées de la lutte contre la corruption. Là, j'ai nommé à titre d'exemple la Brigade spéciale anticorruption et d'autres institutions. La mise en place des lois réprimant la corruption. Autre chose que je dois signaler, à travers le document du plan national de développement 2018-2027, la lutte contre la corruption a été prise en compte également. Vous avez parlé d'institutions et de textes mis en place pour réprimer la corruption, mais il y a une opinion qui trouve qu'il n'existe que sur l'île. Non, ça, c'est une opinion qui n'est pas à soutenir parce que, comme je l'ai dit, les institutions existent, la loi existe. D'ici peu, on va vous faire les chiffres qui montrent le nombre de dossiers qui ont été transmis au parquet général et près de la Cour anticorruption par la Brigade spéciale anticorruption et par là, ces institutions sont à l'œuvre. Les organisations qui suivent de près la lutte contre la corruption disent parfois que vous attrapez de petits poissons, vous laissez les gros poissons. C'est faux parce que à notre niveau, nul n'échappe à la répression quand il y a des preuves tangibles qu'il s'est rendu coupable de corruption. Seulement, il y a des gens qui aiment le dire sans préciser qu'il y en a qui ne sont pas appréhendés, qu'il y a d'autres qui sont appréhendés parce qu'ils sont en téléran. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Tout citoyen, s'il a des preuves palpables, qu'il vienne, qu'il le dise aux instances habilitées, cette personne-là ne va pas échapper aux poursuites judiciaires. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h pile dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal des résidents de Muyinga grognent contre le refus de la régie des eaux de faire des raccordements en électricité pour les ménages qui ont formulé la demande il y a plusieurs mois, alors que sur les bureaux de la Régie des eaux, Centre Muyinga, un communiqué montre que même l'établissement des devis est suspendu depuis juin. Des agents de la Régie des eaux à Muyinga ne se prononcent pas sur ce problème car ils ne sont pas autorisés à parler au nom de la société, dit le responsable du centre, nous rapporte de données Nzeimana. Les ménages en demande d'électricité à Muyinga se répartissent en des catégories. Ceux qui ont déjà payé l'argent pour les compteurs et attendent impatiemment le raccordement depuis des mois. Ceux qui réclament l'établissement des devis. Certains des résidents de Muyinga affirment être lassés par les retards du déblocage de ce problème. Au bureau de la Régie des eaux Centre Muyinga, ils notent de service et portent à la connaissance de la clientèle que l'établissement des devis en eau et électricité est suspendu jusqu'à nouvel ordre et que la levée de la mesure sera communiquée. Mesure annoncée depuis juin. À quand la levée de la suspension? Pas d'éclaircissement de la part des agents du centre Régie des eaux à Muyinga sans pouvoir de communiquer au nom de la société de Muyinga. Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana et nous continuons à chercher la direction générale de la Régie des eaux. Parlons toujours des produits de cette société. Un manque d'eau s'observe dans une partie du quartier Muyaga de la zone Gihosha, mairie de Bujumbura, depuis jeudi de la semaine passée. Certains habitants de cette localité expliquent que l'eau qu'ils utilisent pour faire la cuisine provient des puits creusés. Pour ceux, ils affirment qu'ils ont peur d'attraper des maladies démentielles et demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Un reportage signé Vestine Utoi. Certains habitants du nouveau quartier Muyaga sont à la recherche de l'eau. Les uns portent deux seaux dans leurs deux mains, d'autres portent des bidons sur leur tête. Cette femme rencontrée à son domicile indique que son manque d'eau potable s'est manifesté depuis vendredi de la semaine passée. Elle explique que l'eau qu'elle utilise pour la cuisson et la vaisselle provient des puits et des étangs qui sont à l'intérieur de la clôture du centre de santé Mugisha, se trouvant dans cette localité. Il n'y a plus d'eau depuis vendredi, donc nous n'avons pas d'eau et nous avons du mal à trouver de l'eau qu'on va utiliser dans nos activités ménagères, ce n'a pas plu. Dans ce cas, l'eau qu'on utilise provient des puits ou des étangs se trouvant à l'intérieur de ce centre de santé Mugisha. Pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable, ils effectuent un long trajet parcourant les plaines et les montagnes, ce qui cause leur fatigue, selon cette domestique. Oui, c'est très loin. Nous montons et nous descendons les collines. C'est très pénible. Son manque d'eau entraîne dans les ménages de ses habitants. Pour ceux, ils affirment qu'ils craignent pour leur santé. Ils donnent l'exemple des maladies démentielles qui pourraient surgir suite à son manque d'eau. Nous avons de la peur parce que nous voyons que prochainement, les maladies démentielles comme la dysenterie et le choléra pourraient nous surprendre du fait que la propreté n'est pas du tout suffisante. Et vous comprenez que l'hygiène est impossible s'il n'y a pas de l'eau. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème mais le plus tôt possible. Ils ajoutent que son manque d'eau pourrait être lié à un tuyau en panne se trouvant dans cet endroit. Vestine Boutoy, parlons société à présent. Des jeunes de Gitega font savoir qu'ils sont préoccupés par le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter. Ainsi, certains jeunes chômeurs ont commencé à créer des associations professionnelles, leur procurant une occupation rentable néanmoins. Ils demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs d'appuyer de telles associations qui souvent ferment leurs portes faute de moyens, nous rapporte Gérard Nibigir. Ndereimana Félix est président de l'association Menya Foundation qui rassemble environ 100 jeunes chômeurs de Gitega. Il dit que même s'il n'y a pas de récents effectifs des jeunes chômeurs de Gitega, les effectifs d'une association des chômeurs de Gitega qui a fermé ses portes montrent qu'à l'an 2012, Gitega comptait 950 chômeurs. Il ajoute qu'il se pourrait que ce chiffre aurait augmenté maintenant. Ndereimana Félix et les membres de l'association Menya Foundation trouvent que le chômage chez les jeunes est un défi majeur. Ils demandent alors alors aux jeunes chômeurs de créer de petites associations qui leur permettraient d'avoir des activités génératrices et de revenus au lieu de trimballer dans les rues. Il leur propose des associations d'agro-élevage, du petit commerce et autres. Là, il donne l'exemple de leur association Menia Foundation qui s'est donné le programme d'élevage de porcs et de culture du manioc très productif. Même si actuellement ils n'ont que 10 porcs, ils se sont fixés un objectif à atteindre d'installer une porcherie sur chaque colline de la province de Gitega. Et le manioc qu'ils sont en train de multiplier sur un champ d'environ 1 hectare de superficie produit 60 kg de manioc par pied de manioc. Il demande à l'État et aux bienfaiteurs d'appuyer les associations des jeunes chômeurs du moment que l'expérience leur a montré que souvent de telles associations se disloquent faute de moyens. Depuis Gitega, Jean-Anne Guilla pour la radio Isanganiro. Et de Gitega, revenons à Merido Bujumbura pour parler toujours chômage, mais aussi en cas de réussite. Les jeunes chômeurs ne devraient pas négliger de petits métiers, même s'ils auraient la chance de terminer leurs études. L'appel est d'un jeune économiste qui est toujours du coiffeur dans un salon de coiffure au centre-ville Bujumbura, Syriac Ndachaïsaba, dit qu'il a pu se payer les études grâce à son métier. Au début, il indique que ses camarades ne comprenaient pas comment un jeune universitaire peut être coiffeur aujourd'hui. Il se réjouit de ce métier qui, d'ailleurs, dit-il, lui permet d'entretenir sa famille. Il s'est entretenu avec Aubin Niongourou. J'ai un diplôme de baccalauréat en administration et gestion des affaires. Économiste de formation, Syriac Ndachaïsaba s'est aussi engagé dans le métier de coiffeur, ce qui lui permettra de se payer les études universitaires. Moi, je suis coiffeur depuis l'année où j'étais à 8e année secondaire. Ce n'est pas la famille qui m'a payé le Minerval. Je n'ai aucune famille ici à Bujumbura. Arrivé ici à Bujumbura, j'ai vu qu'avec mon diplôme des humanités générales, pour avoir de l'emploi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai continué à pratiquer mon métier. J'ai commencé les études à l'université. En quelle année? Année académique 2013-2014. J'avais une volonté de continuer les études, même si je n'avais pas d'argent. Ce jeune natif de Kayanza indique que certains de ses amis ne comprenaient pas qu'un jeune universitaire... Il y a des gens qui ne changent pas de mentalité, qui savent qu'être licencié, être bachelier, pratiquer le métier de coiffeur, c'est étonnant. Ils voient que c'est étonnant. Voilà. Mais il y a d'autres qui voient que c'est plutôt, c'est bien, il faut se débrouiller. Syriac Ndachaïsaba en appelle à d'autres jeunes de ne pas négliger le petit métier. Pour lui, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Je peux dire qu'il faut changer de mentalité. Être licencié, être bachelier, ça ne signifie pas que tu restes ici en déambulant, sans emploi. Parce que aujourd'hui, les licenciés, les bacheliers sont plus nombreux et l'État est incapable de s'en charger. C'est un problème très sérieux. Il fallait sortir les remèdes de nos proches pour attaquer les autres filières. Ce jeune indique qu'il voudrait monter son projet pour faire son propre salon de coiffure, mais le problème reste pour lui le manque du capital. Cap sur la province Cibitoke, c'est à l'ouest du Burundi. Cette province enregistre une pénurie de carburant. Cela fait une semaine. Certains propriétaires de véhicules préfèrent les garer chez eux puisqu'un litre d'essence se vend aujourd'hui à 4000 francs burundais. Les précisions d'Alexis Ndairagij. Une semaine vient de s'écouler sans goutte d'essence et de mazout dans les stations-service de la province de Cibitoke. Pour le moment, ceux qui ont besoin de ces produits pétroliers, le résultat est frauduleusement à 4000 francs pour le litre. Ces produits pétroliers fraudulés, ça s'est à partir de la République démocratique du Congo. À part que, à cet été, dans ce pays, d'autres chauffeurs font le plein à partir de Bujumbura. Arrivés à Cibitoke, ils vident leurs véhicules et parviennent à vendre ces produits à des prix élevés. Suite à cette pénurie, carburant en province de Cibitoke, certains propriétaires de véhicules, de transport et de biens de personnes préfèrent garer le véhicule chez eux afin d'éviter des pertes en achetant le carburant fraudulé. Au sein de l'usine de fabrication du Simbabuseko, le travail est presque paralysé suite à un manque de mazout. Les camions transportant le ciment et depuis Habitat, cette usine en matériaux de fabrication du ciment ne sont pas au service. Les pompiers de ces stations-service d'Ossimitoké affirment qu'ils restent avec des promesses de leurs patrons sans succès. Les chauffeurs de taxi-moto et ceux de véhicules de transport n'ont cessé de dire qu'ils enregistrent une crise dans leur famille, demandant avec leurs patrons que ces produits pétroliers soient disponibles afin que le travail continue. Le constat est que la chasse par les agents de la police de vendeurs de ces produits frauduleusement s'observe dans plusieurs endroits où souvent ces agents de la police saisissent ces produits. Depuis Tibitoke, Alexine Dairagizé pour la radio Isanganiro. Au sein du ministère de l'Énergie et Mines, nous avons cherché le directeur général du carburant pour qu'il s'exprime sur cette situation. Il nous a renvoyé au porte-parole que nous continuons à chercher. Mais il y a juste une semaine, le même porte-parole avait déclaré devant la presse que le manque de carburant est simplement lié aux problèmes techniques, mais sans plus de précision. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, nous vous parlerons de la méningite, qui est une maladie causée par un virus, une bactérie ou par des champignons, comme l'explique le directeur du programme élargi de vaccination, Dr. Olivier Nijimbele, indique que la raideur de la nuque est l'un des signes les plus caractéristiques de cette maladie. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho. La méningite, une maladie causée par le virus et le microbe, Dr. Olivier Nijimbele indique que celle causée par le microbe distingue plusieurs types de méningite. Pour les méningites d'origine bactérienne, il y a des méningites qui peuvent être dues à des bactéries qu'on appelle les pneumocoques, les hémophilus, les méningocoques et d'autres types de bactéries. Mais pour les méningites à méningocoques, nous avons 12 sérogroupes et parmi ces 12 sérogroupes, il y a 6 sérogroupes qui peuvent être à l'origine des épidémies. Les symptômes semblables à d'autres maladies, dont la fièvre et le vomissement, s'observent chez le patient. Mais la perte de connaissance est un signe le plus caractéristique, selon toujours Dr. Olivier Nijimbele. Les signes de la méningite les plus fréquents sont notamment une fièvre très élevée avec une température au-delà de 39 degrés Celsius. Il y a aussi des céphalées atroces, parfois avec des vomissements. Mais le signe le plus caractéristique d'une méningite, surtout les méningites bactériennes, c'est ce que nous appelons une raideur de la nuque. Et sans oublier aussi que la méningite peut être à l'origine d'une perte de connaissance ou d'un coma. Une membrane qui entoure la moelle épinière du cerveau et la partie attaquée par la méningite, explique le docteur Nijimbele. Les méningites peuvent être causées soit par des virus, soit par des bactéries ou alors par des champignons et vont attaquer une membrane. C'est une fine membrane qui entoure la moelle épinière et le cerveau. Et cette bactérie ou ce virus va alors provoquer une inflammation de cette partie. Même si cette maladie touche toutes les personnes, les enfants de moins de 5 ans et les adultes de moins de 30 ans sont les plus vulnérables. La méningite est une maladie qui peut toucher tout le monde, n'importe quelle personne, quel que soit son âge ou son sexe. Mais plus particulièrement, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les jeunes de moins de 30 ans qui sont les plus à risque. La transmission interhumaine, comme l'explique Olivier Nijimbele. Tout d'abord, la méningite à méningocoque, c'est une maladie humaine. Et la transmission est interhumaine, soit par des gouttelettes de salive ou à travers les éternuements. Ceci est parce que même les personnes qui ne sont pas malades peuvent être des porteurs de ce méningocoque au niveau de l'urinopharynx, au niveau du fond de la gorge. Et en dehors des épidémies, à peu près 10% de la population est dite porteur sain du méningocoque. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des conséquences néfastes de la méningite sur la santé et le mode de prévention. Et pour rappel, nous sommes toujours lors de la campagne contre la vaccination contre la méningite qui a débuté mardi 4 décembre et se termine ce jeudi 13 décembre. Voilà, 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis.